sorcier m'a dit, donne-moi trois vaches, deux chèvres et ton chien, sinon je me fâche. J'enverrai sur toi les serpents, les rats. Tu perdras ta femme, ton champ pourrira. L'ankou est parti, l'ankou reviendra. L'ankou te prendra, c'est tant pis pour toi. Le sorcier m'a dit, je suis ton ami ou ton ennemi, c'est toi qui choisis. Tu vivras longtemps si tu m'obéis, tu mourras demain si tu me renies. L'ankou est parti, l'ankou reviendra, l'ankou te prendra, c'est tant pis pour toi. Le sorcier m'a dit, j'ai tous les pouvoirs, chacun m'obéit, même le hasard. Je fais les naufrages, le soleil brûlant, les mauvais mariages et les accidents. L'ankou est parti, l'ankou reviendra, l'ankou te prendra, c'est tant pis pour toi. Le sorcier m'a dit, je ne suis qu'amour, je veux te sauver, tes péchés sont lourds. Donne-moi ton âme, ton fusil, ta femme, ne proteste pas, je pense pour toi. L'ankou est parti, l'ankou reviendra, l'ankou t'oubliera si tu crois en moi. Le sorcier m'a dit d'autres choses encore, mais je l'ai tué pour avoir la paix. La vie continue, tout va beaucoup mieux. Le sorcier voleur n'était qu'un menteur. L'ankou est parti, l'ankou reviendra, l'ankou me prendra quand il le voudra.